L'instinct du bitume, suceur. Soyez sur les nerfs, c'est pour le 9 juin. C'est pour les refs, penchers et les meufs, bien. Farage, dick, pas passe. On se qui débarque sur un sonda. Pose mes marques, mon flow coule comme les laves du magma. Je me poussais sans rien s'y pousser. Sur les officiers, gardiens de la paix, policiers, tous ces justiciers. Tout va bien tant qu'il n'y a pas les huissiers. Les bombes sur le terrain se prennent pour Djibril Cissé. Génération sacrifiée, cicatrice, va pas cicatriser. On est bon qu'à violer, dinéotiser. Si tu nous vois, postiché, au guichet. Au bicraft de la rillette, c'est qu'on a rien déniché. Oh, merci les barreaux, pour mes frères au star. Au ghetto, au tartar, mentalité barbare. Accueillant comme tous mes haïs en banlieue. Quand on passe à la barre, on espère tous un non-lieu. Le poster que devant Dieu, pas de poster de fan de grosse caisse, tu peux lire la détresse dans nos yeux. Toujours ghetto, on prend de la caille, on prend la maille, on sent la femme, c'est toujours ghetto. Toujours ghetto, on prend le zèle, j'aime le zèle, sans les armes. Toujours ghetto, toujours ghetto. On prend de la caille, on prend la maille, on sent la femme, c'est toujours ghetto. Toujours ghetto, on prend le zèle, j'aime le zèle, sans les armes. Toujours ghetto, toujours ghetto. Sur les tailles, tout ce qui forme l'élite. Là où ça force les vides, sort des tripes. C'est forcément bordélique. Chez nous, y'a qu'un pas entre porc et flic. On veut prendre du poids comme Obélix. On va pour prendre l'or et le fric. On s'introduit de manière symphonique. Baisse les vides si on t'initie sur un missile de synchronique. On improvise au quotidien, rappelez vos petits chiens. À la pute d'un joli gars, pas besoin d'un opticien. On attache ta gare, ratatatata. On va te faire piquer ce que t'as craché en garde à vrataille. On se partage la tâche avant de fracasse la basse. On va te carna ta place en compagnie de babasse. C'est le retour de flamme par voie anale. Écarte-toi de l'asphalte, ratatatac. Passe-moi ta maille. C'est la folie des grandeurs sur un plan balourd. Une chute due à la conspiration de grands jaloux. On prend de la caille, on prend la maille, on sent la femme, c'est toujours ghetto. Toujours ghetto. On prend le zèle, j'aime le zèle, sans les armes.